CKRL, c'est pratico-économique. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Quand j'ai eu l'idée de vous présenter la première des artistes que je vous présente cette semaine, la première des chanteuses qui compose et qui chante elle-même ses chansons, Juana Molina, je pensais pas qu'il y aurait un lien avec l'autre émission que j'anime à CKRL, l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec le samedi à 13h. Eh bien, il y a un lien. Pierre Moutarde, qui une fois par mois a fait une chronique sur l'Amérique latine, m'écrit jeudi passé. Il me dit, écoute, j'aurais le goût de lire un poème de Juan Gelman, qui est un poète argentin qui vient de décéder. Et je lui dis oui, très bonne idée, excellente idée. Et il se trouve que Juana Molina est née en Argentine. Il se trouve que son père, Horacio Molina, qui était un célèbre musicien de tango argentin, a dû quitter l'Argentine parce qu'il a dû fuir la junte militaire. Il se trouve évidemment que Juan Gelman a dû aussi fuir l'Argentine, lui aussi à cause de la junte militaire. Voilà le lien entre Juana Molina et Juan Gelman et l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. On écoute deux pièces de Juana Molina. C'est tiré de son album Wed 21. Wed qui veut tout simplement dire Wednesday, mercredi, parce que c'est un mercredi qu'elle a entrepris de composer cet album qui est sorti en 2013 et qui a été considéré comme un des très bons albums 2013. On écoute Eras et puis El Oso de la Guarda. Todo, nada. facile à classer musicalement, Juana Molina. On sent quand même des éléments de folklore argentin dans sa musique. Son père était chanteur de tango. Il lui a appris à jouer de la guitare à l'âge de 4 ans. C'est en 1976 qu'ils ont dû fuir le pays pour éviter d'être... en tout cas, son père a évité d'être arrêté par la junte militaire en Argentine. Sa mère était une collectionneuse d'albums de musique de 33 tours à l'époque, disait-on, assez éclectique. Elle est devenue, en fait, elle a un parcours assez particulier parce qu'elle a été, elle a été comédienne, elle a été même animatrice, elle a eu sa propre émission qui était assez populaire en Argentine jusqu'à ce qu'en 1996, elle décide de tout laisser ça et de s'en aller vers ce qu'elle voulait faire parce que au fond, elle avait décidé de frapper à la porte de la télévision en Argentine pour avoir un emploi qui lui permettrait de faire ce qu'elle avait vraiment le goût de faire dans la musique, dans la vie, c'est-à-dire composer de la musique. Et en 1996, elle a fait paraître son premier album et là, elle a décidé de se lancer dans la carrière musicale. Et c'est assez drôle parce que dans ses premiers spectacles, c'est ce qu'elle raconte, dans ses premiers spectacles, elle était vraiment très drôle, Juana Molina, à la télévision. C'était une comédienne. Et les gens qui allaient la voir étaient tout à fait étonnés. Ils ne comprenaient pas finalement. Ils s'attendaient à ce qu'elle fasse des blagues, quoi. Est-ce qu'elle les fasse rire? Mais elle était très sérieuse parce qu'elle met quand même beaucoup de soin à composer sa musique. Et effectivement, quand on la voit sur scène, je vais mettre d'ailleurs un lien vers un spectacle qu'elle a donné récemment en France et qu'on peut voir intégralement sur le web. Je vais mettre un lien sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net un peu plus tard dans l'après-midi. Donc, les gens étaient quand même étonnés, mais ce virage qu'elle a pris, cette décision qu'elle a prise de cesser d'être animatrice et de faire de la musique, c'est pour notre plus grand bien. Parce que l'album Wed 21 est vraiment un très bon album et ça augure bien pour la suite des choses. On va écouter d'ailleurs la pièce Wed 21 qui a le même titre que l'album. Thank you. Juana Molina du continent de Buenos Aires, pardon, va demeurer sur le continent sud-américain. On va descendre, on va monter un peu, on va s'en aller à Sao Paulo. On écoute Criollo dans la chanson Coaxis NCA. Je vous parlerai après de Criollo, un autre chanteur très populaire et qui a gagné en popularité dans les années 2012-2013. Fox é Playboy. Fazia cavando no box. Artesanato humilde de durepox. E antes de pensar em tirar, vá tomar no seu cox. O que não é seriado da Fox. É playboy se acabando no box. Artesanato humilde de durepox. E antes de pensar em tirar, reflita. Le chanteur criollo de son vrai nom, Kléber Gomez, est né donc dans un quartier pauvre de Sao Paulo. C'est en 2006 qu'il a enregistré un premier disque, Andia Ha Tempo. Il a fondé un duo, Reinados MCs, avec... En fait, il était sur la scène du hip-hop. Il a participé à plusieurs concours hip-hop. Il est rappeur la nuit, éducateur le jour. Et il va exercer ce métier-là jusqu'en 2000. On voit dans un film récent, je mettrai un lien sur le blog de l'émission, on le voit retourner dans son quartier. Il est immensément populaire dans son quartier, il est immensément populaire au Brésil, il est devenu depuis 2012 immensément populaire au Brésil. On va écouter une autre pièce de Criollo, Crage ou Ex. Et c'est tiré de l'album qui l'a propulsé sur la scène musicale brésilienne, Nona Orelha. Duas lajes triplex, no morro os moleques, o vapor. É o Play 3 na golfeira, te sai Xanex. É o ouro branco, o pau mágico e o poder de um Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonete. Os MC das antigas, dinossauro T-Rex. Pra fazer bobaginha, colhe ali com João Tex. Pra zoar na rua com os cachorros é Pex, Pex. E as princesinhas na noia de um papel faz boca. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Irmão que tão com fome, desce três marmitex. Sabão de coco não é pompom com protex. No almoço só dex, meu advogado é o Alex. E se jogo do bicho é contravenção, mega sem ilusão pra colar com durex. A resposta de chegar garante seu retornex. The it for Anguiza, connect got X. Atrás de um vernix pra mandar por sedex. Zona sul é o universo, os vagabundo é belezex. É que eu não tô de tricotex, e eu também não tô com medo de lanzex. É zona sul universo, filho tá pagando de louco. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Toda a comunidade pobre, meu quilombo, minha inspiração. Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui. Se for pra somar, ei, mano, chega aí. No microfone. Let's criolete. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier Est, cafébabylone.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Wow! La croche-oreille est enfin de retour. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'ess. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Je vais la mère, je suis l'enfant. Aucun lien n'est plus sage. Je suis le sable, toi l'océan. Je suis ton seul rivage. Tu me recouvres chaque instant de tes vagues de passion. Comme une mer de sentiments et d'affection. De toute ta tendresse, tes vagues me caressent. Comme un enfant face à la mer, souriant et apaisé, tu trouves en moi quelques repères, notre rêve réalisé. Notre rêve, c'est de guérir toujours plus d'enfants et toujours mieux. Joignez votre voix à la mienne pour aider Sainte-Justine. Rendez-vous sur plusmieuxguérir.org. Merci. C'était Nachni Izdas et le groupe Zrni, Z-R-N-I, avec un accent qui est comme un accent aigu sur le I. C'est un groupe de la République tchèque qui a émergé en 2013. En fait, ils ont été reconnus par l'Académie tchèque de musique populaire comme étant le meilleur groupe, la meilleure découverte de l'année 2013. Le long jeu s'appelle Soundtrack qui est Konsi Zveta. C'est une piste vers la fin du monde, on pourrait traduire ça comme ça. C'est un groupe qui existe depuis le début des années 2000, depuis 2001, dans une petite bourgade de la République tchèque qui s'appelle Gno. Ils ont émergé comme ça en 2013 avec cet album et ils sont de plus en plus populaires dans la République tchèque et moi je soupçonne qu'on va les voir émerger aussi ailleurs sur la scène mondiale. Un peu comme Juana Molina, il y a des éléments de musique électronique, ils utilisent beaucoup des éléments d'électronique dans leur musique, un peu comme Juana Molina qu'on a écouté tantôt en première partie d'émission. Il y a des éléments de folk aussi, donc de musique un peu plus locale, un peu plus traditionnelle locale qu'ils incorporent. On voit ça de plus en plus, de toute façon, sur la scène musicale, des groupes qui vont prendre des éléments, c'est un peu folk rock, folk électronique, etc., qui vont prendre des éléments donc de musique traditionnelle et qui vont, en quelque sorte, les incorporer dans des créations tout à fait originales. On va écouter d'ailleurs une autre piste de l'album Soundtrack Konsi Zveta. On va écouter une autre piste qui s'appelle Rishta. Po svazích svět běží. tom čáry na polích, první znaky na mracích barevný. Domy prázdný jsou, zem se hýbe pode mnou. Já zůstanu s tebou, zůstanu pořád s tebou. Une graine de rock, une graine de folk, une graine d'électro, mais surtout, et parce que parfois, peu importe vraiment les styles, les genres et les tendances, deux bonnes graines de poésie et d'énergie. C'est tout cela que l'on retrouve dans les chansons de ce groupe longtemps confiné à Gladno et à ses environs, mais que découvre depuis peu le reste du pays. Ça, c'est une émission de Radio Prague français du 24 février 2013, une émission qui s'appelle Dimanche musical, et c'est une émission, c'est un animateur donc de cette émission qui racontait ceci. Ce qui était intéressant, c'est que il y avait toutes sortes de liens avec crâne, parce que zrni veut dire crâne, et c'est il disait entre autres que le chanteur, le leader du groupe, Jan Ungar, a longtemps travaillé comme jardinier. Et moi, ce que j'aime beaucoup de ce groupe, outre le fait qu'ils intègrent des éléments d'électronique dans leur musique, ils intègrent aussi certains éléments, on le sent là, de folk. C'est l'énergie l'animateur de l'émission radio de Radio Prague avait tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette musique. Mais c'est pas une musique qu'on a nécessairement envie de danser, quoique ça doit se danser. Mais c'est une musique qu'on écoute. écoute parce que même s'il y a beaucoup d'énergie, il y a quand même aussi beaucoup d'inventivité. D'ailleurs, le groupe lui-même dit qu'il va souvent procéder par improvisation. Ils vont commencer par faire de l'impro et puis tout ça va se mettre en place et ils vont finir par trouver finalement le fil conducteur de la pièce musicale. On va écouter une autre pièce tirée de l'album Soundtrack de Keiko Kansi Sveta. La chanson s'appelle Mussitupit. Thank you. Check de la du groupe Zrni, Z-R-N-I, Yijicek qui veut dire Petit Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant, je lisais, il y a une controverse, enfin, une petite controverse. C'est une chanson qui est parue un peu avant Noël, en décembre 2013, donc qui ne fait pas partie de l'album soundtrack de Kekan Sisveta. C'est une chanson qui est parue, donc on imagine à l'occasion de la période des fêtes, et c'est possiblement peut-être une piste d'un futur album de ce groupe de la République tchèque. Et la controverse, c'était, que je lisais, c'était entre Jésus et le Père Noël. Parce que Jésus a toujours été comme le personnage central de Noël dans la culture tchèque. Et là, de plus en plus, c'est le Père Noël, le bon vieux Père Noël de Coca-Cola qui prend le relais. Enfin, c'est là-dessus que je vous laisse et je vous dis au revoir à la semaine prochaine. C'est Michel Monette qui était au micro pour